إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va inshallah terminer aujourd'hui donc on continue la deuxième partie sur une fatwa du Cheikh Abdelrahman bin Nasser al-Barrak qui a été émise en 1431, c'est-à-dire en 2010. Ça fait 7 ans là. Et qui portait sur Da'wa ila wahdat al-adyan min nawaqid al-islam. C'est en fait la da'wa qu'on entend de nos jours qui essaie de se renforcer à l'unité des dogmes. L'unité des religions. D'accord ? Et donc j'avais fait une introduction sur cela en mentionnant que le gros problème de la communauté aujourd'hui que l'on trouvait parmi ceux qui sont responsables des mosquées ou quoi que ce soit et qui font des négociations, qui entrent dans des négociations, ce sont pas des gens qui étudient le dîn et ce sont des gens qui parlent sans science. Et ils pensent qu'ils font quelque chose de bien lorsqu'ils lisent le Coran sans l'appliquer. Ils lisent, ils se réunissent, je ne sais pas, après le Maghrib, voilà. Hein? Ils le lisent en groupe, voilà, ils le lisent seul, et ils croient qu'ils font quelque chose de bien. Et on avait mentionné que ça fait partie des sifats des Khawarij, qu'ils lisent le Coran sans le comprendre. Et que l'imam Nawawi, rahimahullah, avait mentionné que il récite le Coran, mais n'atteint pas leur gorge, et n'atteint donc pas, même pas leur cœur. Hein? Alors que ce qui est voulu dans la récitation du Coran, c'est de méditer dessus, de le comprendre, et de le mettre en application. D'accord ? Ce n'est pas comme on disait, juste tu vas accrocher des tableaux, juste tu vas faire une lecture, juste parce que tu veux lire. Il faut qu'on médite sur cela. Et donc le problème c'est que ils tiennent des propos qui sont très dangereux dans le sens où certaines paroles peuvent invalider l'islam de quelqu'un. Certains en arrivent même à dire que مثلاً, les chrétiens ce sont leurs frères. Dire que les chrétiens c'est les frères, la fraternité n'existe que dans l'islam. D'accord. Et Allah Azza wa Jalla a clairement dit innamal mu'minuna ikhwa dans sourate al-hujurat, les croyants sont des frères. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit les croyants et les mécréants sont des frères, il a dit les croyants sont des frères. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate at-tauba fa in tabu, c'est concernant les mushrikin, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din. S'ils se repentent du shirk, font la salate et donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. Donc, dire à un kafir que c'est ton frère, ça met l'individu qui sort cela en danger, au niveau de sa croyance. Soit c'est un jahil, un ignorant qui parle sans savoir. On se rend compte que lorsque eux, les chrétiens, ils écrivent des lettres, par exemple, aux associations musulmanes, ils disent quoi ? Alaykoum salam. Ils disent quoi ? Ils disent à nos amis. Jamais ils vont dire aux frères. Hein. Ils vont dire à des amis. Et vous voyez, ceux qui s'affilent à l'islam disent à nos frères. Subhanallah. Donc, on avait terminé sur un point de la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit concernant le peuple de Nuh. كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a démenti les prophètes. Et on avait vu que Nuh, alayhi salam, c'est le premier prophète et messager. Puisque le premier prophète, c'était Adam. Ce n'était pas un messager. Et entre, comme Ibn Abbas, radiallahu anhu, m'avait dit, entre Adam, bayna Adam wa Nuh, ashra qurun, entre Adam et Nuh, il y avait 10 siècles. Donc le premier prophète et messager, c'est Nuh, alayhi salam. Il n'y avait pas de messager avant Nuh, alayhi salam. D'accord ? Parce que la première fois que le shirk est apparu sur terre, c'est durant le peuple de Nuh. Et d'où le but d'envoi des messagers. D'accord ? Donc, كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a démenti les messagers. Dans Sourate Ash-Shu'ara, verset 105. Donc, lorsque vous voyez dans Sourate Ash-Shu'ara, verset 105, d'accord ? Ou bien vous voyez dans Sourate Ash-Shu'ara, verset 123, كذبت عاد المرسلين. Le peuple de Ada, donc Ada a démenti les envoyés, les messagers. Donc, on lit comment se fait-il que le peuple de Nuh, Nuh on avait dit, c'est le premier prophète et messager. Le premier prophète c'est Adam alayhi salam. Et on avait dit qu'Ibn Abbas radiallahu anhuma avait dit, Bayna Adam wa Nuh, ashra qurun. Entre Adam et Nuh, il y a 10 siècles. كلهم على الخير. Tous étaient sur le bien. Ils adoraient Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Mais la première fois que le shirk est apparu sur terre, c'est du temps de Nuh alayhi salam. D'accord ? Et donc Allah Azza wa Jal a envoyé Nuh alayhi salam, le but d'envoi des messagers. On comprend par cela le but d'envoi des messagers. Donc c'est le premier prophète et messager Nuh alayhi salam. Donc comment se fait-il que le peuple de Nuh démente tous les messagers d'Allah? D'accord? Eh bien, en démentant un messager, ils ont démenti tous les messagers. Alaykoum as-salam. En démentant un messager, ils ont démenti tous les messagers. Et dans Tafsir al-Sa'di, qui est un très bon tafsir, celui qui commence, qui veut comprendre le Coran, il ne va pas commencer par les gros tafsirs. Il commence par les tafsirs qui sont simples, et notamment un tafsir simple que les ulama préconisent pour celui qui débute, c'est tafsir al-Sa'di. D'accord ? Et après, il pourra passer à tafsir ibn Kathir. C'est un bon tafsir, le tafsir ibn Kathir. Mais pour commencer, c'est bien de faire tafsir al-Sa'di qui est simple. Tu auras directement les bonnes. Est-ce qu'il est en français ? Tafsir al-Sa'di. Le plus simple. Tafsir al-Sa'di, je ne sais pas s'il est en français. Parce que je lisais le Kathir En français, il y a des traductions. Par contre, j'ai remarqué dans tafsir, les traductions qui sont dans Tafsir Ibn Kathir, tout n'est pas traduit. Il y a certains passages qui ne sont pas traduits, je ne sais pas pourquoi. Et je ne connais pas le traducteur. Donc, Allahu a'lam. Donc, et le problème, c'est comme je vous ai dit, hein, il y en a qui traduisent des livres de hadith et qui ne donnent pas les bonnes traductions. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, et tu lis ça en traduction. Et ça, c'est faux. Donc, Allah al-Musta'an, mais qu'Allah nous facilite. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'imam Sa'di, rahimahullah, dans l'explication de ce verset, كذبت قوم نوح المرسلين. Il dit, كذبت قوم نوح رسالة نبيهم. Donc, le peuple de Nuh a démenti le message de leur prophète, le prophète qui était Nuh. فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل. Par cela, le fait qu'ils ont démenti le message de leur prophète, Nuh, en démentant son message, ils ont démenti tous les autres, les messages de tous les autres prophètes. لِأَنَّ كُلَّ رَسُولٍ يَأْمُرْ بِتَصْدِيقِ جَمِيعَ الرَّسُولِ. Là, il explique pourquoi. Il a dit parce que chaque messager ordonne de croire aux autres messagers. Soit il l'annonce, ou soit il leur dit croyez aux autres messagers. Ben, il les annonce. D'accord ? Donc chaque messager ordonne de croire à tous les messagers. Il قال لهم اخوهم نوح الا تخشون الله بترك عباده غيره اني لكم رسول امين فيما ابلغكم. Et donc, Nuh, alayhi salam, ce qu'il leur a dit, donc n'allez-vous pas adorer Allah azawajal seul, sans rien lui associer, et vous désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'accord ? Ceci, c'est la da'wah de tous les prophètes et envoyés d'Allah azawajal. Eux, ils ordonnaient à leur peuple de croire à tous les messagers d'Allah. Et vous savez très bien que parmi les piliers de la foi, arkan al-iman, c'est de croire en tous les prophètes et envoyés d'Allah azzawajal. De croire en tout seul. Celui qui mécroit en un seul, c'est un kafir, c'est un mécréant. Ceux qui sont restés sur la religion de Isa al-Islam, qui est l'islam, la soumission à Allah azzawajal, l'adoration à Allah azzawajal seul sans rien lui associer, et le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et ils suivaient leur prophète Isa al-Islam. D'accord ? Ceux qui sont restés sur cette religion, après que Isa al-Islam a été élevé par Allah azzawajal. Donc Isa al-Islam, il est au premier ciel. Il n'est pas mort, Allah azzawajal l'a élevé. Et Allah azzawajal le renverra lors de la fin des temps. Le signe majeur de la fin des temps, parce qu'il suffit qu'il y ait un signe qui vient, tous se succèdent. Par contre, les signes mineurs, ils peuvent avoir des siècles entre eux, d'accord ? Des années, des siècles entre eux. Premier signe de la fin des temps, premier signe mineur de la fin des temps, la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord ? Et ensuite, donc, vous voyez que c'est espacé. Par contre, la venue du Mahdi, qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah, à sa venue, ça c'est ce qui fait qu'il va y avoir tous les signes majeurs qui vont arriver par la suite. L'arrivée de Dajjal et la descente de Isa alayhi salam, que seul lui pourra, comme mission, il ne viendra pas comme prophète et messager. Hein, pour combattre. Parce que lui, il a déjà eu son message à transmettre. D'accord ? C'est pour ça que lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit à propos d'Isa alayhi salam, qu'il dit Lamma tawaffaytani, d'accord ? Lorsqu'on lit en arabe Lamma tawaffaytani, quelqu'un tawaffa, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est mort, d'accord ? Mais tawaffaytani, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a mis fin à sa prophétie. A mis fin à ça. Vous voyez, yani, c'est pas, par exemple, on prend un verset et puis on va le comprendre comme on pense que c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens qui travaillent dans les universitaires aux États-Unis, qui ne sont même pas des musulmans, ce sont des kofars, et ils étudient le Coran, et ils utilisent ce verset-là, en se référant à des anadika, parmi ceux qui s'affilient à la communauté, en disant, eh bien regardez, un tel a dit ça y est, il est mort. Non, ça c'est faux de croire ça. Ça c'est faux, il a été élevé, il est au premier ciel. D'accord, barakallahu fik. Donc, et il sera renvoyé sur terre, comme mission pour tuer le Dajjal et de vivre avec la sharia d'Allah azzawajal et jusqu'à sa mort. Ou est-ce que là il retournera vers la terre avant de retourner vers Allah azzawajal. D'accord ? Et il cassera la croix et tuera le porc aussi. Notamment, oui, lorsqu'il viendra. Ce que disait l'imam Sa'di rahimahullah sur le tafsir de ce verset-là, « كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ » Donc, « كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ رِسَالَتْ نَبِيَهُمْ » فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل لان كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. D'accord ? Parce que tous les envoyés, tous les messagers d'Allah ordonnaient à croire aux autres prophètes. C'est pour cela que lorsque vous lisez que Nuh alayhi salam, qui est le premier prophète et messager, d'accord ? Puisque la première fois que le shirk est apparu sur terre, c'est du temps de Nuh alayhi salam. Eh bien, en démentant Nuh alayhi salam, ils ont démenti tous les autres prophètes. Et donc ça fait deux des kofars. Donc celui qui renie un prophète ou un messager, par exemple, il se dit, par exemple, pour être juif, il faut renier Isa alayhi salam. Et pour être un chrétien, il faut croire en Moussa alayhi salam et renier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc celui qui n'en renie un a renié même le prophète auquel il croit. D'accord ? Donc, c'était sur ce point-là qu'on avait terminé. Barakallahu. Naam. Juste une question au niveau, à l'époque, quand ils ont immigré vers Médine, c'était bien les Ansars ? Est-ce qu'ils se sont convertis ? Non, ce n'est pas les Ansars, ce sont les Mouhajirines. Les Ansars, ce sont ceux qui étaient déjà présents, qui ont Al-Ansar, parce qu'en fait, ils ont donné la victoire en supportant, en accueillant ceux qui ont tout quitté. Ils ont tout délaissé, leur famille, leur demeure, leur bien, pour suivre le prophète, pour faire la hijra avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Naam, Muhajirin qui ont rejoint. Les Ansar, ce sont ceux qui étaient présents. D'accord, parce qu'il y avait, les, il y avait. Ils étaient déjà présents, c'est ceux qui accueillent. Voilà. Les Mujahideen, c'est ceux qui ont émigré. Voilà, voilà. Muhajir, c'est celui qui a eu. Mais ceux qui étaient vraiment chrétiens, qui croyaient à la croix, parce qu'à cette époque-là, ils ne croyaient pas encore au prophète, une fois qu'ils ont eu le message, est-ce qu'ils se sont reconvertis pour avoir la double récompense, ou est-ce qu'ils ont renié le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, parce que. Non, ça, ce n'était pas des chrétiens. Là, c'était des tribus juives. C'était l'Aous ou le Khazraj qui était là-bas. Là, c'était des tribus juives qui étaient là-bas. Eux, ils ont accepté l'islam. D'accord ? Certains d'entre eux ont été des hypocrites. D'autres ont accepté l'islam et ont accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci, c'est avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse la hijra. D'accord ? Il est parti leur faire la da'wah. Voilà, ils ont accepté l'islam et ils n'attendaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive. Et ils ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont accueilli les muhajirin, subhanallah. Et les muhajirin, c'est-à-dire ceux qui étaient à la Mecque, qui se sont convertis à l'islam et qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que lorsqu'ils arrivaient, certains qui avaient plusieurs femmes disaient, eh bien, choisis celle qui te plaît, je la divorce et tu te maries avec. Viens, je te donne... où habiter chez moi. Viens, je te donne. Yani, ils ont supporté les musulmans, ils ont donné la victoire à la religion d'Allah Azzawajal. Ce sont les Ansar. C'est pour ça que les Muhajirin et les Ansar, yani, personne ne peut les égaler en termes de récompense. Et plus spécifiquement, ceux qui se sont battus à la bataille de Badr, personne ne peut égaler leur niveau de récompense. Même si c'est un sahabi qui est venu après. Donc tous les sahabas, personne ne peut atteindre leur niveau. Mais ensuite, il y a différents niveaux au niveau des sahabas. D'accord ? Ceux qui ont combattu la bataille de Badr, Allah Azza wa Jal leur a tout pardonné. Ils ont un niveau que lorsque il y avait Khalid, radiallahu anhu, il avait un différend avec un des Abdurrahman ibn Auf. Il avait un différend avec Abdurrahman ibn Auf. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ya Khalid, da' ashabi. Oh Khalid, laisse mes compagnons. » Mais c'est un sahabi Khalid, d'accord, c'était converti. « Si l'un d'entre vous réunissait toute la montagne de Uhud en or, ça n'égalerait pas cette quantité-là, le mud. Ça n'égalerait pas ça de ce que recevra la récompense des compagnons. » Subhanallah. Donc, barakallahu fikum. Donc les Ansar sont ceux qui ont accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Barakallahu fik. Donc, ceux qui ont cru à leur prophète et ont cru au dernier prophète et messager, lorsqu'ils se convertissent, ceux-là ont la double récompense. Ceux qui ont cru à leur prophète et qui ont aussi cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir vu, donc barakallahu fik. Donc ensuite il dit le shir. Donc je disais, c'est une fatwa du shir Abdurrahman bin Nasser al-Barrak. C'est une fatwa qui date, parce que je dois préciser la date, barakallahu fikum, de 1431, c'est-à-dire de 2010, c'est-à-dire il y a 7 ans. D'accord. Et donc il dit ensuite le shir, pour continuer inshallah, وَمِنْ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَنَّ دِينَ الرُّسُلْ وَاحِدْ قَوْلُهُ تَعَالَى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Donc Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, donc parmi les preuves du livre d'Allah et de la Sunna, que la religion des envoyés, des messagers d'Allah, il n'y en a qu'une seule, d'accord, qui est l'islam, c'est notamment la parole d'Allah Azza wa Jal, dans la traduction du sens du verset, ô messager de Sourate Al-Mu'minun, verset 51-52. Ô messager, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Et وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد متفق عليه. C'est un hadith qui est rapporté par la parole du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Eh bien, ce que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit, je suis le plus proche de Isa, fils de Marie, dans le bas monde et dans l'au-delà. Les prophètes sont des frères et de mères différentes. Et leur religion est une. Et leur religion est une. Donc pour comprendre ce hadith, donc j'ai rapporté en fait les paroles des savants, inshallah, sur ce hadith-là pour qu'on le comprenne. قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمانهم واحد. Le sens du hadith, c'est que la base, c'est-à-dire leur foi, est une. وشرائعهم مختلفة. Et les différentes législations qu'ils ont eues sont différentes. D'accord ? Ils avaient la même foi, ils avaient la même aqida, d'accord ? Ensuite, dans la façon de ce qui est licite de faire, illicite de manger, d'accord ? Ou la façon de faire telle chose, diffère. فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ فِي أُصُولِ التَّوْحِيدِ. Ils sont d'accord, d'accord ? Tous les prophètes et envoyés, ils sont d'accord dans le fondement qui est le pur monothéisme. وَأَمَّا فُرُوعَ الشَّرَائِعَ فَوَقَعَ فِيهَا الْإِخْتِلَافِ. Tandis que dans les branches de la législation, il y a des différences. أي أن جميع الشرائع السماوية تدعو إلى دين الإسلام. Toutes les législations qui ont été révélées par Allah Azza wa Jal invitent à la religion d'Islam. D'accord ? لأنها جميعها متفقة فيما تدعو إليه من توحيد الله تعالى الخالص وعدم الإشراك به. Parce que tous les messages, tous les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal, donc ont été d'accord, ont ça en commun, qu'ils invitaient au pur monothéisme d'Allah Azza wa Jal, à la sincérité dans le culte de l'adoration à Allah Azza wa Jal, et l'interdiction de lui associer quoi que ce soit. D'accord ? الأنبياء جميعهم باختلاف ما يوحى إليهم من شرائع ينتسبون إلى دين واحد. Donc les prophètes, malgré les différences dans les branches, dans la législation, malgré les différences qu'il y a certaines législations, eh bien, ils ont tous une seule religion. D'accord ? وهو دين الإسلام. C'est l'islam. كما ينتسب الأخوة من أمهات مختلفات لأب واحد. D'accord. Et en fait, pour comprendre le hadith, c'est comme par exemple, pourquoi le prophète Hassan m'avait dit, ils sont tous frères, de mères différentes. C'est l'image ici, c'est ils ont dans les branches de la législation, ils ont des différences, d'accord. Mais ils ont le même père, donc ce sont des frères, d'accord. S'il y a un homme qui a quatre femmes, les enfants de ces différentes femmes, leurs femmes sont différentes, les mères sont différentes, mais ce sont des frères, ils ont le même père, d'accord. Donc eux, ils ont le même message, inviter les gens à adorer Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer et se désavouer du shirk, du polythéisme. Donc ça, c'est comme l'image qui est donnée ici avec le même père. D'accord ? Pour comparer. Si on veut imaginer, d'accord ? Pour mieux comprendre, inchallah. Tandis que des mères différentes, dans les branches de la législation, il y a des choses qui différaient. D'accord ? Pour le moment, c'est clair, inchallah ? Oui. Donc, وَهَذَا مِمَّا يُؤَكِّدْ أَنَّ دِينَ الرُّسُلْ وَاحِدْ. Et ceci prouve que la religion de tous les envoyés, de tous les messagers d'Allah, Azza wa Jal, est une. ولهذا يبشر أولهم بآخرهم ويؤمن به. Celui qui est présent parmi les prophètes dans son temps, il annonce celui qui va venir. D'accord ? Et il ordonne à son peuple d'y croire et à croire à celui qui va venir. D'accord ? وآخرهم يصدق أولهم ويؤمن به. Tandis que le dernier rend véridique celui qui l'a précédé, d'accord, et croit également à ce prophète-là qui l'a précédé, d'accord. كما قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans la traduction du sens du verset, et quand, de Surat As-Saf, verset 6, et quand Jésus, fils de Marie, Isa, on va dire Isa, d'accord, c'est mieux de le dire en arabe que de le dire comme ils le disent en français. Mais pour que les gens comprennent, ce qui est voulu par Isa en arabe, c'est ce qu'ils appellent par le mot en français Jésus, le nom en français Jésus, d'accord, c'est Isa. Donc, et quand Isa, fils de Marie, dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. وأعظم الأمم ذكرا في القرآن وتنويها بشأنها بنو إسرائيل يعقوب عليه السلام فقد كانت النبوة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم. Il dit donc et parmi les grandes nations, parmi les grandes nations qui sont mentionnées dans le Coran, ce sont qui sont-ils? Ce sont les enfants d'Israël. D'accord. Et Yaqub alayhi salam, qui était un prophète et messager d'Allah azza wa jal. Donc, les enfants d'Israël ont reçu plusieurs prophètes. D'accord. Avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وأعظم أنبيائهم موسى وعيسى عليهم السلام وعلى سير الأنبياء والمرسلين. Et il dit parmi les grands envoyés messagers d'Allah Azza wa Jal, faisant partie du peuple de Bani Israël, des enfants d'Israël, ce sont Moussa et Isa alayhim assalam, ainsi que surtout les prophètes et messagers d'Allah. فَإِنَّهُمَا مِنْ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Parce qu'ils font partie des ce qu'on appelle أُولِي الْعَزْمِ. Il y en a combien? On avait vu ça dans Usul Sittah, si je m'en souviens. Ou les l'azm, c'est-à-dire les prophètes et cinq barakalofik. Il y en a cinq, sont Ibrahim, Moussa, Isa, Ibrahim, Nuh. Déjà Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc on ne fait pas de différence entre les prophètes et les messagers, d'accord, barakalofikum. Mais ce qu'il y a, c'est que certains ont eu, et notamment les cinq, ils avaient une tâche qui était beaucoup plus de responsabilité, plus importante et difficile. Dès que je dis importante, c'est pas une diminution en termes d'importance, c'est-à-dire moins importante. Non, lorsqu'on dit important, c'est-à-dire une tâche énorme. D'accord. Nuh alayhi salam, plus éprouvante, plus difficile. Plus de responsabilité. D'accord. Donc, et ça, ce sont les cinq. Donc, parmi ceux de Bani Israël, barakallahu fikum, il y a Moussa et Isa. Parce que Nuh c'est avant, et Ibrahim c'est avant, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est après. D'accord, barakallahu fikum. وقد أنزل الله عليهما التوراة والإنجيل. Et Allah azza wa jal a révélé sur Moussa alayhi salam et sur Isa alayhi salam la Torah et l'Évangile. D'accord. Alors ce qu'on dit, on croit à la Torah et à l'Évangile, on croit à ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. D'accord. Faut pas dire, non, mais il y a la Bible et nous on croit à la Bible. La Bible, ce n'est pas la parole d'Allah. La Bible, ce n'est pas la parole d'Allah, Azza wa Jal. D'accord ? Elle a été écrite par 4 ou 5 différentes personnes 40 ans après l'élévation d'Isa alayhi salam, qui n'ont même pas travaillé ensemble. Et on trouve des choses dans la Bible, a'oudou billah. Honnêtement, lorsque j'ai eu l'occasion, subhanallah, de travailler dessus, honnêtement, on croirait que c'est un diable qui a insufflé à quelqu'un d'écrire ce genre de truc. A'oudou billah. Mais ça ne peut être qu'un diable qui leur a insufflé ce genre de choses. Parce que dire que Sulayman alayhi salam a été égaré par les femmes et a construit un temple pour que les gens adorent autre qu'Allah, a'oudou billah. Il n'y a peut-être qu'un diable qui peut pousser les gens à ce genre de truc. Alors que Allah Azza wa Jal a clairement donné un statut qui était élevé pour les prophètes et messagers. Et a montré clairement, sans aucun doute, le statut bon de tous les prophètes et messagers. Et ça, subhanallah, c'est clair. Parce que le but du prophète et du messager, c'est un guide. Alors lorsque vous lisez dans la Bible que Nuh alayhi salam passait son temps à se saouler et se saouler en étant tout nu et se mettait en colère contre ses enfants lorsqu'il le recouvrait, est-ce que ça, lorsque quelqu'un lit cela, donne du respect ? Non, subhanallah. Lorsque vous lisez que Lout alayhi salam, qui est un autre prophète et messager d'Allah, Azza wa Jal, il dit sur lui que, parce que dans où est-ce qu'il était, c'était des gens, ce qu'ils appellent aujourd'hui les homosexuels. Et ce qu'il y avait, c'est qu'il avait deux filles, et les deux filles ont dit, eh bien, il faut qu'on ait une relation avec notre père pour avoir des hommes qui puissent propager a'oudou billah. Et donc ils auraient saoulé Lout alayhi salam, couché avec lui. Regardez tous les mensonges et les dénigrements qu'il y a sur les prophètes et envoyés. Comment des gens peuvent croire en ça? Je comprends pas. Non, mais en fait, c'est parce qu'ils ont une tariqa similaire que vous pouvez trouver dans les sectes qui se sont égarées et qui s'affilient à l'islam. C'est qu'ils interdisent aux gens de lire la Bible. Mais ils ne doivent lire que ce que le prêtre leur a dit de lire. D'accord ? 3000 pages. Penses-tu vraiment que 3000 pages, les gens, ils vont passer leur temps à lire ? Donc ils vont leur dire, non, vous lisez pas. Lis ça, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Quelqu'un qui va lire ça, honnêtement, et qu'Allah Azza wa Jal lui a donné une raison, ou est-ce qu'il s'en sert de façon bénéfique ? Et il se dit que les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal, ce sont des guides, donc des exemples à suivre. D'accord ? Et non pas lorsque tu dis cela, a'oudou billah, tout le contraire. Donc, barakallahu fikum, il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce genre de discours, parce que maintenant, on croit à la Bible, on ne croit pas à la Bible. Je m'écrois en la Bible, c'est du kofr. Le problème, c'est quoi ? C'est que vous pouvez trouver certaines paroles qui sont véridiques, mais ça a été mélangé avec le faux, si bien que tu ne peux pas distinguer. Et il est interdit aux musulmans de rechercher une quelconque guidée dans ces livres où est-ce qu'ils ont été falsifiés. D'accord ? Nous, ce qu'on croit, barakallahu fikum, on croit à l'évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam, la Bible. Ce n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. La Torah, on croit à celle qui a été révélée par Allah Azza wa Jal. Mais la Torah, aujourd'hui, elle a été aussi falsifiée. Et d'ailleurs, barakallahu fikum, dans la Bible, vous avez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament réfère à la Torah. D'accord ? Et ensuite, vous avez différents livres, différents. Jusqu'à ce que vous trouvez même dans la Bible, a'oudou billah, dans le Nouveau Testament, une lettre, subhanallah, une lettre d'un de ceux qui écrivait la Bible, et ils l'ont inclus dans la Bible. Et c'était écrit son ami Timothée, à son ami Timothée, d'accord ? J'ai oublié mon manteau sur la chaise, si tu peux me le chercher, et il y a une lettre qui est sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, je vous ai mentionné vraiment sur ces différents points pour pas qu'on tombe dans, en fait, dans des discours de gens que j'ai entendus qui s'affilent à l'islam et qui disent oh non, mais la Bible, c'est, attention, c'est. Non, on croit à l'évangile qui a été révélé par Allah Azzawajal au prophète Isa alayhi salam. D'accord ? Faut pas avoir de doute sur cela. D'accord ? Et la Bible, ce n'est pas la parole d'Allah Azzawajal. Il faut pas avoir le poids d'un atome de doute dans cela. Faut pas corrompre sa croyance à Aqida. D'accord ? Quelqu'un qui traite les prophètes et messagers d'Allah Azzawajal en disant que Daoud, il a agi comme un traître, en envoyant son voisin en première ligne à l'armée pour qu'il se fasse tuer afin qu'il puisse avoir des relations avec la femme de son voisin. A'oudou billah. Est-ce qu'il y a des gens qui vont encore respecter? Ils vont dire quoi? Lui, c'est un guide? A'oudou billah. Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Donc, barakallahu fikum. Donc, parmi les prophètes, parmi les grands prophètes et messagers qui font partie des enfants d'Israël, on a dit, il y a Isa et Moussa, alayhim as-salam. Eux, ils ont reçu comme révélation la Torah et l'Injil. Wa qad qassa Allahu alayna min khabari hadhayn ar-rasulayn fi nash'atihima wa irsalihima wa ahwal bani Israël. Et Allah Azzawajal a détaillé en fait les informations sur ces deux messagers d'Allah Azzawajal, sur leur message et sur leur relation qu'ils avaient avec le peuple des enfants d'Israël, d'accord, en détaillant tout cela. وَقَدْ كَانَ أَنْبِيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى يَحْكُمُونَ بِالتَّوْرَاتِ يحكمون بالتوراة حتى جاء عيسى عليه السلام. Et donc il dit, les prophètes du peuple des enfants d'Israël après Moussa alayhi salam jugeaient avec la Torah, d'accord, celle qui a été révélée à Moussa alayhi salam, ils jugeaient avec cela, d'accord, jusqu'à ce que Isa alayhi salam arrive. فَجَاءَ مُصْدَقًا بِالتَّوْرَاتِ وَنَاسِخًا لِبَعْدِ أَحْكَامِهَا. Donc il est arrivé en croyant à la Torah qui a été révélée par Allah Azza wa Jal à Moussa alayhi salam et en abrogeant certaines choses des jugements dans la Torah. قَالَ تَعَالَى إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاتِ فِيهَا هُدًا وَنُورٍ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا. Donc Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, du verset 44 de Sourate Al-Ma'ida, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah jugent les affaires de ceux qui se sont faits juifs. Wa qala an al-Masih alayhi salam, et Allah Azza wa Jalla dit sur le Messie, sur Isa alayhi salam, wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum. Ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset 50 de sourate Al-Imran concernant Isa alayhi salam, ce qu'il a dit à son peuple, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé devant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. D'accord. Wa kana al-mu'minuna bi Musa alayhi salam al-mahkumuna li shari'ati at-Tawrat muslimin 'ala al-haqq hatta jaa Isa ibn Maryam faman amana bihi wattabi'ahu kana musliman. Et donc les croyants en Moussa alayhi salam qui jugeaient avec la législation d'Allah Azza wa Jal, d'accord, qui était à cette époque-là, c'était la Torah. Eh bien ceux-là étaient des musulmans sur la vérité, d'accord, jusqu'à ce que vienne Isa alayhi salam, fils de Marie, celui qui a cru en lui et qui l'a suivi était musulman. celui qui a cru en lui et qui l'a suivi était musulman. وَمَنْ كَذَّبَهُ كَانَ كَافِرًا. Et celui qui l'a démenti était un mécréant. وَكَانَ الْمُنْتَسِبُونَ لِلْإِيمَانِ بِمُوسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يُعْرَفُونَ بِالْيَهُودِ حَتَّى جَاءَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَعُرِفُوا أَتْبَاعَهُ بِالنَّصَارَى. Donc ils étaient connus, ceux qui suivaient Moussa alayhi salam, comme étant ce qu'on dit aujourd'hui les juifs. Et ceux qui, jusqu'à ce qu'est arrivé Isa alayhi salam, et ceux qui l'ont suivi ont été connus comme ce qu'ils appellent aujourd'hui les Nasara, yani les chrétiens. D'accord ? Wa baqiya ism al-yahoud liman kafara bih. Et donc le nom de juif est resté pour qui mécroit en Isa alayhi salam. Donc celui qui mécroit en Isa alayhi salam, c'est un juif. D'accord ? وقد فصل الله في كتابه الخبر عن الطائفتين. Et Allah Azza wa Jalla a informé sur les deux groupes, les juifs et les chrétiens. مؤمنهم وكافرهم, parmi ceux qui étaient des croyants et ceux qui étaient des mécréants. وبين أسباب كفر من كفر منهم. من كفر منهم. Et il a clarifié les causes de la mécréance pour quiconque a mécru parmi eux. D'accord ? فأما اليهود فمن أسباب كفرهم. Donc parmi les causes de la mécréance des juifs, تحريفهم التوراة. Ils ont falsifié. Il n'y a pas un autre mot. Tahrif. Modifié. Falsifié. Barakalofik, c'est ce mot-là. Interprété. Non. Je vois ce que tu veux dire. Altéré. Barakalofik. Donc ce sont ceux qui ont altéré la Torah. Barakalofik. Donc ce sont ceux qui ont altéré la Torah. Wa qatl al-anbiya. Donc ils ont altéré la Torah. Ils ont tué, combattu les prophètes. Wa qawluhum Uzair ibn Allah. Et leur parole, le fait qu'ils disent que Uzair est le fils d'Allah. A'oudhu billah. Thumma takdhibuhum lil-Masih alayhi salam. Et le fait aussi de démentir ou de rendre comme ou de dire que c'est un menteur, Isa alayhi salam. D'accord ? ثم تكذيبهم لخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. Et en plus démentir le dernier des prophètes envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Donc ça, c'est parmi les causes qui font que les juifs sont des kofars. D'accord ? Donc on peut pas essayer de trouver une excuse en disant ils sont quelque part croyants. Non, parce que quand c'est ce que tu dis, le piège que tout le monde tombe, c'est comme par exemple tu dis l'arqidal de la foi, c'est de croire aux trois livres. Dès lors que tu parles de, par exemple de la Torah. Notamment aux trois livres. Parce qu'il y a eu d'autres qui ont été envoyés. Sohuf Ibrahim. Bon, c'est ceux qui sont plus cités, les trois livres, la Torah, l'évangile, le Coran. Et bien dès lors que tu commences à parler de juifs ou de chrétiens dans ce sens-là, on dit maintenant, parce que l'arqidal de la foi, c'est de croire à la Torah et à. Mais ils ne pensent pas comme tu viens de l'expliquer, tu vois ce que je veux dire. Et c'est la raison qui parle, il dit oui, mais non, les juifs sont. Donc on doit croire aux trois religions, ils font partie de la religion, tu vois. Non, comme on avait dit, il y a une seule religion, c'est l'islam. C'est la religion acceptée par Allah Azza wa Jal, la seule. Celui qui désire une autre religion que l'islam, qui veut mécroire en un seul messager d'Allah Azza wa Jal, c'est un kafir. Sans le poids d'un atome de doute. Ouais, il ne doit pas douter en se disant mais attends, il croit en Dieu. C'est ça. Je vais te ramener des milliards de personnes qui croient que Dieu existe et qui croient que Dieu est le créateur. Ça, t'en trouves à tous les coins de rue. Hein? Oh mon Dieu. Et allez, tu vois, ils disent des trucs comme ça. Il va te dire oui, on sait que tous que Dieu est le créateur et tout ça. Mais ça, c'est pas un croyant celui qui croit ça. D'accord ? C'est un mouchrik, c'est un kafir. Et il ne sera croyant que s'il se met à croire au message auquel est venu avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut avoir aucune ambiguïté sur cela. Celui qui ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir. Celui qui renie un des prophètes et messagers envoyés par Allah azzawajal, c'est un kafir. Donc, juifs, chrétiens, ils sont dans un égarement évident. D'ailleurs, de la sourate la Fatiha, Allah les cite. Ils ont la connaissance, mais refusent de la mettre en application. Ils refusent de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent le haq, il est où, mais ils refusent de le suivre. Les égarés, ceux qui ont suivi le mensonge des juifs, ce sont les Nassar, hein, les chrétiens, qui ont suivi le mensonge des juifs et refusent de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est étonnant, subhanallah, c'est lorsqu'on entend la parole de certains, regardez la dureté des mots que ces kofars utilisent contre les musulmans, en disant qu'eux, ils considèrent, pendant les croisades, le temps des croisades, ils considéraient les musulmans comme étant des païens, des mouchriquins. Subhanallah. Ils chouvent quoi. Comment ils ont échangé les rôles? Ils considèrent les musulmans comme étant des païens. Des gens qui adorent autre qu'Allah Azzawajal. Parce que les musulmans refusent d'adorer Isa alayhi salam. Ils croient en Isa alayhi salam, mais ne l'adorent pas. On croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on l'adore pas. C'est haram, c'est interdit d'adorer autre qu'Allah. Surtout une créature créée par Allah. C'est la seule religion qui est pure monothéiste. Il n'y a pas d'autre religion avec l'islam. Hein. C'est la seule religion pure monothéiste. Il ne faut pas avoir le moindre doute sur cela. Les autres, ce sont tous des mouchriquines et des kuffars. Parce que soit ils adorent autre qu'Allah, ou soit ils mécroient en un des prophètes et messagers envoyés par Allah Azza wa Jal. Polythéiste, associateur. Mécréant. D'accord ? Barakallahu fikum. Et Allah Azza wa Jal, comme disait le shir, eh bien, il a détaillé la relation qu'il y avait entre les prophètes Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam avec leur peuple. D'accord ? Et que Moussa alayhi salam, est arrivé en confirmant ce qui a été révélé avant lui, d'accord ? Et en abrogeant certaines choses qui étaient avant lui, parce que c'est Allah Azzawajal qui lui a révélé. D'accord ? Et donc ceux qui croyaient en Moussa alayhi salam, ceux qui jugeaient avec la législation avec laquelle était envoyé Moussa alayhi salam, qui était Taurat, étaient tous des musulmans qui étaient sur le haq, jusqu'à ce que Isa alayhi salam, fils de Marie, arrive. Celui qui a cru en lui et qui l'a suivi était musulman, et celui qui l'a démenti était un mécréant. Wa kana al-muntasibuna lil-iman bi Moussa alayhi salam يعرفون باليهود حتى جاء عيسى عليه السلام فعرف أتباعه بالنصارى. Et ceux donc qui suivaient Moussa alayhi salam étaient connus pour ce fait, pour ce qu'ils appellent aujourd'hui les juifs, jusqu'à ce que Isa alayhi salam est arrivé, et donc ceux qui le suivaient, ils les faisaient appeler. Donc, ce dernier était connu pour se faire appeler les chrétiens. وبقي اسم اليهود لمن كفر به وبهذا صار بنو إسرائيل طائفتين. Voilà, nous en étions là. Donc, et les juifs donc sont restés ainsi avec ce nom-là de juif pour celui qui mécroit en Isa alayhi salam. Donc, pour être juif, il faut que la mère soit juive, mais en plus, tu dois mécroire en Isa alayhi salam pour être un vrai kafir de juif, d'accord ? C'est ça. Non, parce que mais c'est leur condition, barakallahu fik. Tu veux venir ? Non, mais c'est, ça va au-dessus de l'entendement. Donc, et Allah Azza wa Jal donc a informé sur cela, barakallahu fikum. Donc, et on a dit donc les différentes causes de la mécréance de ceux qui se dénomment juifs, d'accord ? فجمعوا بين انواع من الكفر. Donc ils ont réuni plusieurs types de kufr, de mécréance. D'accord ? Le fait de dire que Uzayr c'est le fils d'Allah, le fait de mécroire en Isa alayhi salam, le fait de combattre et de tuer les prophètes qui leur ont été envoyés, etc. etc. D'accord ? ولهذا قال سبحانه وتعالى c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit dans sourate al-Baqara les versets 89-90 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Donc Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, des versets 89 et 90 de sourate al-Baqara, et quand leur vint d'Allah, un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme est vil ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes. Ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les mécréants. Wa amman nasara, فمن أسباب كفرهم تأليه المسيح وأمه وقولهم المسيح ابن الله وقولهم إن الله ثالث ثلاثة ثم تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Tandis que la mécréance des chrétiens, parmi les causes de la mécréance des chrétiens, c'est ce qu'ils disent notamment sur Isa alayhi salam et sur sa mère Maryam. Ils l'appellent Marie. Et le fait de dire que Isa alayhi salam c'est le fils d'Allah. Et le fait de dire que Allah c'est le troisième de trois. Mais également le fait qu'il démente le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau, celui qui clore la prophétie, le sceau des prophètes, celui qui clore la prophétie, qui clore les messagers. Il n'y a plus de prophète ni de messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui croit qu'il y a un prophète ou un messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un musulman, c'est un kafir. Allah azza wa jalla a dit, dans la traduction du sens du verset, « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Ici, dans le verset, dans la traduction, du sens du verset, il n'y a de divinité digne d'adoration, d'accord ? Qu'une divinité unique. Car il y a d'autres divinités, mais ce sont des fausses divinités. Parce qu'une divinité, c'est ce qui est adoré. Mais elles sont fausses, car ce sont des créatures. Seul le créateur, qui est Allah, voilà pourquoi Allah Azza wa Jal est l'unique vraie divinité, car c'est le seul créateur, donc seul lui mérite tout acte d'adoration. Et s'il ne cesse de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Et Allah Azzawajal a également dit dans la traduction de sens du verset, ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité Allah est le troisième de trois. Donc ça je viens de le dire, hein. Alors qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'une divinité unique, s'ils ne cessent de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Voilà ce qui devrait être dit à ces gens-là. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien, or c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Rahmakallah. Et Allah Azza wa Jal dit, également dans la traduction du sens du verset à la suite, hein, dans Sourate Al-Ma'idah, verset 77, dit ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés loin, qui se sont égarés du chemin droit. 15. Inch'Allah, on va terminer ce point-là, on va en salir, Inch'Allah. Puis on continuera parce que c'est plus long que ce que je pensais. Inch'Allah, sinon je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter sur ce point-là, Inch'Allah, aujourd'hui. Parce que sinon, ça, je vais enchaîner sur une autre explication. Donc, Mars, Lyoum. Et puis on continuera, Inch'Allah, sur ce sujet important la semaine prochaine, bi'inillahi ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.